Salut, salut, salut, comme tous les dimanches, c'est Lost in Space sur les ondes du 100 FM Radioactive à Toulon et radio-active.net partout ailleurs. Lost in Space, donc votre rendez-vous rock, punk, musique expérimentale. Et aujourd'hui, c'est la toute dernière émission de la série que l'on a fait avec l'ami Dominique, où l'on a parlé beaucoup de rock français. Et aujourd'hui, ça sera en fait encore la dernière, donc comme je vous disais, où on va être encore dans une position du grand écart, c'est-à-dire qu'on va commencer avec de la cold wave pour continuer avec tout ce qui va être un peu plus noisy. Vous retrouverez bien évidemment les titres sur la page de la radio et plus de deux heures en notre compagnie. J'espère que ça vous fera plaisir et c'est parti. Des groupes qui se réfèrent aux Cramps, il y avait un groupe français aussi dans le début des années 80, Ici Paris. Mmh. Voilà. Ici Paris était présenté au côté Crampsien, j'allais dire, et un côté Rocky Horror Picture Show. Voilà. Et revendiqué. Mmh. Ouais, voilà, les films d'horreur, Z et tout, Ici Paris, ils étaient pas. Il y a eu plusieurs formations. Hein. Mmh. Après, il y a... Ici Paris, il y avait un côté dark rock. Quand tu m'appelles, we'll be right back. Ah, le dark rock, ben oui, alors il y a des groupes aussi qu'on n'a pas cités, c'est tous les groupes new wave, post-punk, etc. Alors dans les années 80, il y avait aussi des choses intéressantes comme Trisomie 21. Pardon, qui sont belges. Ils sont français. C'est chiant. Ouais, je crois. Moi, je pense que non. Vous voyez, on n'a vraiment rien préparé. On est vraiment des punks à chier. On prépare rien. Alors, dans le genre, le meilleur... Alors, pardon, on est des chiens autour de nous, d'ailleurs. Exactement. Ouais, c'est pour ça qu'on vous avait dit au début de l'émission qu'on était effectivement dehors, et on est dehors, et on profite de la fraîcheur des pins de parasol. Voilà, avec des chiens qui passent, mais ce n'est pas des punks à chier. Ce n'est pas des punks à chier, c'est des mamies à chien. I'm Thank you. Dans le genre, le meilleur groupe Coldwave français, c'était Guerre Froide. Oui. Alors, c'était vraiment froid. Ça. Oui, mais c'était... Alors là, pour le coup, avec leur hit Demain Berlin, c'était vraiment quelque chose qui a marqué. Et alors, pour une fois, c'était, t'avais pas honte en fait d'écouter ça en te disant, c'est pas une copie, une pâle copie de ce que peuvent faire les Joy ou d'autres... D'un côté français quand même. Ouais. Ou européen. Ouais, ah, c'est vrai que oui, plutôt européen d'ailleurs, effectivement. Ah, exactement. Ouais. We'll meet dépêche Lola, je dis, dépêche Lola, dépêche Lola, Lola, Lola, Lola, Lola. Nous rentrerons dans les ruines de Berlin, we will meet in the ruins of Berlin, we will laugh, cause death ain't the cinema, we song, parfois on vient. Berlin, bien que pas Berlin, 81, Berlin, 84. Et toujours complètement désemparé, d'être à nouveau féline égaré dans une jungle connue. Tout te semble soudain étranger, tu sens qu'il faudra un jour partir. Tu as déjà le cœur et l'âme assiégé par des souvenirs, désirs, et tu t'étends les paupières closes, tout proche de l'autre des mots. Comme l'objet de ton envie de faux, menant un million de noir et rose. La fin de l'été t'a offert ce que tu espérais. Tu as redécouvert ce joyau, couleur de gel. Animal vénéré d'un nouveau monde absolu, avec ta beauté pour seule parure, dans les yeux ton univers, un parfum de jasmin dans ta fourrure, tu songes au vague de la mer, et tu t'étends les paupières closes, plus proche de l'orchidée mauve, précieuse comme l'objet de ton amour. Il y avait End of Data aussi, de nom, il y avait quoi aussi Cast Product avec Mona Soyoc. Cast Product, ça, c'était très très bon. En concert, elle, c'est fantastique. Très belle, très, très belle nana en plus. Et, malheureusement, lui, il est mort. Mais ils étaient, au départ, ça sonnait presque comme du suicide, hein, il faut le dire. Hein. Groupe de l'Est, en fait. De Nancy, c'était de Nancy. Never come back, never come back, never come back, you just on the sprite, fast and fierce. Come and jump in the fire. Out of the depths, raise a stink. You're gonna win the prize. You're not too weak to cope with this. God knows it's all your own. Come and jump in your wiser face. Come and jump in the fire. Don't be fearful. Have no tears, no. All that's about, you'll get what you desired. Out of your throat, the smoke that chokes. You should sing in a choir. You're not too weak to cope with this. God knows it's all your own. Come and jump in your wiser face. Come and jump in the fire. D'ailleurs, là, je vais faire un grand saut, mais elle était d'origine argentine. Dans les groupes de l'Est, il y en a un, moi, qui m'a marqué ces dernières années. Je trouve qu'il est tout aussi bien que ça. C'est Noir Boy George, qui est un truc qui est fabuleux. Noir Boy George. Que pas du tout, ça. Eh ben, c'est récent, ça. Oui. Ah. Et, ouais, récent, maintenant, ça a 4-5 ans, au moins. Mais morceau qui s'appelle Enfonce-toi dans la ville, qui est une tuerie intergalactique qui est vraiment très très très très très très très bien. Et qui ont alors le côté qui revendique en fait vraiment de l'Est, parce qu'ils ont le titre de l'album, je crois, le titre de l'album ou d'un morceau, c'est Messin plutôt que français. Alors nous

Un autre groupe de Lyon aussi, les Deity Guns. J'ai vu à l'époque aussi en concert les nappes sonores sur scène. C'était l'équivalent de Sonic Youth. Vraiment impressionnant. Vraiment impressionnant aussi. Ah, mais les grandes villes, c'est normal. Il y a plein de groupes. On se connaît pas forcément, mais il y a plein de groupes. We'll be right back. Après, bon, moi j'ai un peu décroché à partir des années 2000, hein, de la scène rock même en général, à part sauter des choses un peu originales. Par contre, il y a des groupes, oui, des groupes originaux, comme, je ne sais pas si tu connais un peu Noise, expérimental, musique de film, Électrique Électrique par exemple. Mmh. Ça, c'est pas mal. C'est un groupe de Strasbourg. Ouais. Et d'ailleurs, faire une émission spéciale sur l'album où il y a la centrale, ouais. Ah, tiens, qui est très, très bon. En plus, l'album, l'album magnifique parce que c'est un double. Un double album, en fait, donc double vinyle, mais il y a une face qui est pas, on peut pas écouter, parce qu'en fait, si on met ça sur la platine, ça explose tout, parce que c'est des petites gravures sur le vinyle, c'est magnifique. Ah, excellent. C'est très, très, très, très joli. Il y a Lightning Bolt qui faisait la même chose, sauf que c'est les Américains, mais. Ouais, donc, oui, ça par contre, j'adore. Oui, mais ça, c'est la noise américaine. We'll be right back. par contre, il y a aussi des... il faut creuser dans l'underground français des années 2000 jusqu'à nos jours. Il y a Oiseau Tempête, je ne sais pas si tu as connu. Voilà, ça c'est intéressant. C'est aussi un peu Noise, Arby, puis Cheveux. Bah, tous ces groupes, ils étaient influencés chez... par les groupes Noise des années 90, que je te citais, tu vois. Moi, j'étais surtout à fond dans la première vague, tu vois, c'est plus ma génération, entre guillemets. Mais après, toute cette vague-là, j'ai regardé ça de loin, je t'avouerais. Même un jeune groupe qui devait passer à Toulon, les Psychotic Monks. Ouais, c'est pas mal, ça aussi. Marie, est-ce Après, maintenant, c'est vrai qu'il se passe pas mal. Il y a beaucoup de labels aussi, surtout en Bretagne. En fait, ces derniers temps, en Bretagne, j'ai l'impression qu'il n'y a que des groupes garage qui sortent de partout. Mmh. Et ça, c'est aussi un grand truc qui est revenu. D'ailleurs, nos collègues à la radio Rock à la Casbah là, en passent assez régulièrement. Donc, il y a une grosse scène garage qui se développe. Alors, par contre, ils ne chantent pas tous en français. C'est ça qui, je trouve, un peu dommage. Mmh. Ils veulent avoir des carrières internationales. Moi, il y a un groupe, quand même, dans les années 90, fin 90-2000, qui est complètement passé à la trappe, en fait. Plus personne ne s'en rappelle, mais que j'ai adoré. C'était Expérience. Avec un morceau qui s'appelait Pauvres Petits Européens et qui était vraiment vraiment bien. Aujourd'hui et maintenant, c'était le plus gros tube. C'était fin 90, début 2000, parce qu'à l'époque sur le Move, qui était une radio qui était audible. Non, il passe plus que du rap, si ma mémoire est bonne. Ça change en fait, ça évolue. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de, qu'il y a pas, qu'il y a, En fait, moi, ce que j'ai l'impression maintenant, c'est pour à chaque fois que je vois un groupe sur scène que je connais pas, qui est français, la principale différence qu'il y a avec il y a 30 ans quand j'étais jeune, c'est qu'ils savent tous jouer. Le niveau moyen de n'importe quel groupe français que tu vas voir sur scène est devenu pro par rapport à ce qu'il y a à l'époque. En gros, t'as plus de groupe qui sait pas jouer. Parce que je crois qu'il y a eu la diffusion d'informations par internet, tu as des tutos pour les guitares, tout ça, qui sont beaucoup plus, je pense, accessibles, et c'est des nouvelles générations, et puis c'est des générations très très cultivées. Maintenant, tu tombes sur des... Je parle des jeunes qui sont branchés comme nous, musique, je parle pas des jeunes qui écoutent Joule, bien sûr, mais les jeunes branchés comme nous... Et ils approfondissent les choses, et même moi j'ai remarqué, bon, j'écris dans, tu l'as rappelé au début de l'émission, j'écris dans le webzine Force Parallèle, et c'est marrant parce que quelquefois même c'est frustrant, parce que tu tombes sur des gens qui sont beaucoup plus jeunes que toi, qui ont 30 ans, je sais pas moi, 25 ans, 20 ans même, et qui te citent par cœur des groupes, ils te citent toute la discographie d'un groupe que tu as adoré à une certaine époque. Ouais. Et voilà, parce que ça, je pense que là, il y a eu la révolution internet, où ça a été difficile pour découvrir tous ces groupes, évidemment. Alors, on avait les cassettes, moi je me rappelle d'avoir dû passer ma vie à dupliquer des cassettes, ou enregistrer des cassettes à partir des vinyles des amis. Mais c'est vrai que maintenant avec internet, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple. Alors, autre groupe qu'on a oublié peut-être, là on est plus dans la chronologie, je crois. Il y a eu les Charges 69 aussi, je sais pas si t'as connu, en Bretagne. Que j'aime bien. Punk rock traditionnel. Mais... Là, c'est plus dans le côté œil, tu vois, côté qui se rapproche de comme interne secte et tout ça. Oui, voilà. Voilà. Après, dans la scène noise des années 90, un peu mélodique, se rapprochait par moments un peu des Talking Heads, mais en plus noise, comme Slog. Slog que j'avais vu en concert, j'aimais beaucoup la bassiste avec sa chevelure. C'est pas des Nantais, eux. Ils étaient de... Ah, quand c'est possible, ouais. Il me semble. Ils avaient vu en première partie de Dinosaur Junior, c'était sympa aussi. Voilà, voilà. Après, bon, depuis les années 2000, tout ce qui est commercial, évidemment, toi, tu parlais des Silmarils, ça va donner, ce qui va devenir plus tard des horreurs comme Chaka Punk, Skip the Use et des horreurs comme ça. Parce que j'appelle du c'est pire que du néo-métal, je sais pas ce que c'est la variété métal pour sportifs, quoi. Voilà. Ouais. Tu vois ce que je veux dire, quoi, c'est ça, quoi. Il n'y a pas véritablement d'intérêt. Voilà. Une espèce de fusion putassière et bon, après ça plaît aux jeunes, peut-être qu'on est vieux aussi, c'est possible. Bon, après t'as plein de groupes aussi, bon, des groupes dans le doom metal par exemple. Moi j'ai vu à Toulon il y a quelques mois, il y avait Monarch qui est passé, c'était quelques années qu'ils y sont, très puissant, très lourd. Voilà. On peut citer, il y a plein de groupes comme ça dans cette sphère doom metal en France, hein, j'ai parlé en France. Voilà, puis peut-être qu'un jour on refera une autre émission où on parlera soit des choses plus récentes, soit des choses plus locales. Hein, donc je pense qu'on a d'autres thématiques encore à aborder, avec toujours autant de préparation minutieuse, n'est-ce pas? Voilà, pour finir d'ailleurs sur un titre de Gainsbourg. Pour finir tout ça, enfin, je sais pas ce que t'en penses, que Gainsbourg quand même, il a été à l'origine aussi de pas mal de choses. Dans l'attitude, dans, bon après le Gainsbourg des années 80, c'est dégueulasse, évidemment, c'est n'importe quoi. Mais moi je respecte tout Gainsbourg des origines existentialistes. On parlait tout à l'heure des existentialistes français qui avaient déjà un esprit un peu rock, rebelle, on va dire. Donc Gainsbourg, il a bien connu Boris Vian qui pastichait avec Henri Salvador, le rock alors tout. Et il s'est plutôt approprié pas mal de mode 60s, tout ça. J'adore le Gainsbourg 60s, évidemment. On pourrait finir sur ça. Voilà. Avec on a parlé de techno, de l'électro, de rap. On a parlé surtout du rock français, au sens le plus large possible. Bon, parce que ça, c'est des trucs qui nous interpellent moins, on va dire. Même si un certain état d'esprit du rock dans NTM, au tout début, pour moi, personnellement. J'aimais bien les débuts de NTM, j'aimais bien Assassin dans le hip-hop. J'étais grand fan d'NTM. Ah ouais, vraiment. Ah ouais. Vraiment. Ah ouais, d'accord. Le monde de demain. Moi, j'aime bien, moi, Le monde de demain, par exemple, ça a été une révélation. Quoi. Je me suis dit, c'était. C'est comme ça que j'ai découvert le rap à l'époque. Hein, mais c'est vrai qu'après, j'écoutais plus des Public Enemy, les Disposable Heroes et ce genre de trucs. Les trucs de blanc, quoi. Peut-être. Ouais, mais c'est des trucs de blanc. C'est parce que dans lui, ils écoutaient déjà à l'époque. Ouais. Assassin, j'aimais bien aussi. Par contre, ce qu'ils écoutent les jeunes maintenant, je peux plus. Avec ces autotunes, tout ça. Ça, c'est le monde. Enfin, on n'est plus dans le rock là, on est dans ailleurs. Donc, bon. Eh ben, allez! Joli thème, tu ne trouves pas?